Et je récupère tout dans le mois, j'en ai vu rentrer faire un tas d'ennemis. Tout seul coffret devant le bâtiment, si je tombe en dallo, je récupère un demi. Le bénéfice de la quête, il a géchant, père qu'il de condé, j'ai reconnu les méchants. Parce que pompe long, c'est de la patate, tu me le fais au prix de tout, je veux quand même un échange. Les condés veulent fermer les bâtiments, je suis toujours pas serein en bas de chez moi. Trafic de stupéfiants dans le bâtiment, à 6h, je les ai vus devant chez moi. Y'a plus rien à faire, on comptait s'en sortir. Gère les affaires, on attend les sorties. Y'a déjà le sang qui n'est tout au Détroit, je te dis même pas tous les vrais qui sont partis. Trop tôt, ça se prend pour Rina Toto, il y a deux casques sur la moto. Le sang, il a déjà coulé, je suis toujours cagoulé. Faire de l'oseille c'est pas facile, surtout si le poteau à la gâchette facile. Hassoul, j'ai fait du sale pour de la monnaie, j'ai fini au dépôt mais j'ai pris du sursis. En une année j'ai perdu deux amis, le sang pour toi je pourrais prendre 10 années. Le temps il passe et je vois que j'ai peu d'amis, je suis solo en bas, j'y sers toute l'année. En une année j'ai perdu deux amis, le sang pour toi je pourrais prendre 10 années. Le temps il passe et je vois que j'ai peu d'amis, je suis solo en bas, j'y sers toute l'année. La guerre tu sais ce que c'est, t'es pas prêt pour la faire. En bas du bâtiment ça écoule que du terre. Avance de 3 kilos, je te fais monter l'affaire. Pour des sous, j'ai vu des histoires sombres comme la couleur du fer. La guerre, tu sais ce que c'est, t'es pas prêt pour la faire. En bas du bâtiment, ça écoule que du terre. Avance de 3 kilos, je te fais monter l'affaire. Pour des sous, j'ai vu des histoires sombres comme la couleur du fer. Petit à petit j'ai compris qu'il n'y a plus d'amitié, maintenant c'est devenu chacun ses affaires. Jamais donné des noms ni même donné un gauche, je suis seul et je ferai solo mes affaires. Si ta mère des gros c'est ton souci, pour un billet moutarde ils viennent sucer. J'ai fait 2-3 transactions dans l'épicerie, ils m'ont raté quand je suis allé pisser. Bref c'est carré, j'ai géré ça, tout est prêt. Les paluches, la cagoule, faut que tout soit pro. Une demi-heure j'attendais sans succès, à la sortie du bâtiment je reçois le go. J'ai pardonné des gens pour pas un euro, même si j'ai vu que l'argent ça rend très heureux. J'ai vu descendre des keufs dans les bâtiments, pendant des mois j'ai vu des mères malheureuses. Si tu connais dans ça, violent je sais ce que c'est, si à haja, et que tu te mêles nos affaires, tu vas te faire étouffer. Au fond du bat, je sers les toxicos. J'entends le but de ma cité, c'est que la montée. J'ai vidé ma tropico, je me dis que demain je peux te quitter. Les sirènes retentissent, les bleus bits ralentissent, j'ai grandi dans ça. Les violences aggravées, les petits viennent t'arracher, j'ai grandi dans ça. Ça trahit sans conscience, c'est dur de te faire confiance, j'ai grandi dans ça. Quand tu vends trop de piles, mon début sont trop de kilos, j'ai grandi dans ça. La guerre, tu sais ce que c'est, t'es pas prêt pour la faire. En bas du bâtiment, ça écoule que du